est mort le poète. Ses amis, ses amis, tous ses amis pleuraient quand il est mort, le poète. Son étoile, on enterra son étoile dans un grand champ, dans un grand champ, dans un grand champ de blé. Et c'est pour ça que l'on trouve, et c'est pour ça que l'on trouve dans ce grand champ, dans ce grand champ, dans ce grand champ des bleuets.